moteur, tu le sous les néons. Chaque cri éclaire l'horizon. Le bitume brûle la ville, le vibre. Riders qui lance la dérive. Point de vie, point de vie, point de vie, point de vie. Sur la nuit. Chaque battement brûle l'infini. Une douce chaîne.